Le purgatoire selon Maria Sima. 20. Franc-maçon et occulte. Que pouvez-vous me dire au sujet des sciences occultes? Le mot occulte, qui signifie caché dans les ténèbres, s'applique à toutes les pratiques reconnues ou non comme telles, en communion avec Satan. Elles sont trop nombreuses aujourd'hui pour en dresser une liste exhaustive, et chaque partie du monde a ses pratiques particulières, qui portent des noms très différents. Satan est maître dans l'art du déguisement. Ce qui est plus puissant et plus destructif de nos jours, c'est le mal pur et simple à l'intérieur de cette masse de gens qui maudissent les autres et leur jettent des sorts. La magie noire sous toute forme est plus répandue que jamais auparavant. Quels sont les effets sur les gens qui sont la cible de ces attaques spirituelles? Chacune de ces attaques peut créer la confusion et la peur et mener en dépression, oppression, souffrance, trouble, divorce, haine, possession démoniaque et mort angoissante, s'ils ne sont pas bien protégés par une bonne existence ainsi que par la protection des anges et des âmes. Et pour ceux qui pratiquent les sciences occultes, quels seront les effets sur eux-mêmes s'ils n'arrêtent pas immédiatement? Les effets de ces contacts actifs ou non, conscients ou non, seront les mêmes dans tous les cas, et se répercutent sur les générations suivantes. Les conséquences de ces péchés poursuivront toujours leur cours à moins que les personnes impliquées n'en appellent activement et avec persistance à Jésus, Marie et Michel Archange, pour qu'ils intercèdent et empêchent les attaques de se poursuivre. Que devraient faire les personnes qui se sont adonnées activement à ces pratiques et qui désirent arrêter maintenant que vous avez dit cela? Premièrement, arrêtez immédiatement et cessez de voir toute personne que l'on a pu rencontrer au cours de ces pratiques sans le dire à qui que ce soit. Réduire en cendres tout le matériel utilisé en participant à ces pratiques. Se retirer en silence et chercher la sécurité parmi des chrétiens. Trouver un prêtre expérimenté ou un laïc qui a l'expérience de ces choses. Il est très important de partir en silence, car si vous annoncez à quiconque votre départ, ils peuvent vous attaquer et ils le feront lorsque la nouvelle de votre conversion éventuelle arrive plus haut dans la hiérarchie du système auquel vous avez été mêlé. Dans ces groupes existent des sorcières ou magiciens capables de vous attaquer et qui le feront avec l'aide des démons sous leur contrôle. Maria, cela semble excessif. Satan est excessif et il fera tout pour blesser et discréditer ceux qui quittent son assemblée. Partez en silence. Connaissez-vous des cas où des gens qui essayaient de cesser ces pratiques occultes ont été agressés parce qu'ils n'ont pas gardé le silence comme vous le recommandez? Oui, j'en connais. Un jour on m'a apporté un nom pour savoir si cette personne était vivante, et si oui ou non elle avait été assassinée. Les réponses des âmes ont confirmé que cet homme avait été assassiné à cause de sa conversion. Il n'avait malheureusement pas écouté les conseils des chrétiens de son entourage qui disant de ne pas retourner où il demeurait. Il sentait que ses anciennes connaissances, qui avaient beaucoup de choses à cacher, seraient mécontentes de sa soudaine conversion. Il a payé de sa vie le fait d'avoir négligé d'écouter ce sage conseil, mais nous avons pu le délivrer très rapidement et il est maintenant au ciel avec Jésus. De quelle manière les sorcières et les magiciens peuvent-ils aussi nous faire du mal? Les moyens sont sans limite de méchanceté, et peuvent causer des divorces, envoyer des maladies, et brûler des maisons sans laisser de traces de l'origine de l'incendie, ils peuvent terroriser les gens la nuit. S'ils détiennent suffisamment de pouvoir, ils peuvent assassiner sans quitter leur domicile. Ils ont assassiné un prêtre il y a quelque temps et poussé leur perversité à le faire la veille de Noël. Ils peuvent écouter des conversations à distance sans moyens techniques et calomnier ensuite ceux qu'ils ont épiés en secret. Ils peuvent causer des accidents de voiture. Et ils peuvent le faire à distance. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un nom, une adresse, une photo ou quelque chose, comme un morceau de vêtement personnel, pour commencer à agir. Cependant, les effets négatifs de la magie noire doivent toujours être autorisés par Dieu. Les bons chrétiens n'ont rien à craindre parce que s'ils restent humbles, en état de grâce et en prière, cette protection est alors bien plus forte que tout ce que peuvent faire les démons. Existe-t-il des messes noires? Oui, plus souvent maintenant qu'à un autre temps dans l'histoire. C'est durant ces messes noires qu'ils torturent Jésus en faisant d'horribles choses à des bébés innocents enfants et aux hosties consacrées. Les bébés sont conçus puis ils naissent sans certificat de naissance de sorte qu'ils peuvent faire comme ils veulent. Ils sacrifient aussi des vierges, se livrent à des orgies, boivent du sang et mangent des corps humains pour acquérir les pouvoirs qui leur sont faussement promis. Satan ne recule devant rien. Beaucoup de leurs membres qui ont atteint un certain niveau, ces organisations leur disent qu'ils ne peuvent plus jamais les quitter. C'est un mensonge. On peut toujours partir. Jésus pardonne même à des gens qui ont célébré des messes noires. Dans la société, où les sorcières ont-elles tendance à se concentrer? Cela dépend, mais très souvent parmi les enfants dans les écoles. Également dans les hôpitaux où l'on a facilement accès au sang et aux drogues. Également dans les groupes de prière et églises, pour semer la division. Dans la police aussi et chez les hommes de loi, afin d'avoir dans la place des gens qui peuvent détourner l'attention des activités des autres, elles sont très bien organisées et à tous les niveaux de la société, se dissimulant souvent derrière des costumes d'hommes d'affaires et des uniformes tout à fait normaux. Elles cherchent tout à obtenir le plus de pouvoir possible. Si l'on soupçonne quelqu'un d'être une sorcière, y a-t-il des indices en particulier qu'il faut rechercher pour le confirmer? Elle ne cherche qu'à obtenir de l'attention et ferait n'importe quoi pour dominer les autres. Elle manque souvent de spontanéité car toutes leurs actions sont planifiées en vue de tromper. À l'église, elles montreront une piété exagérée et par conséquent fausse. Elles feront étalage de leurs connaissances et de leurs capacités en matière de spiritualité et de religion et elles utiliseront souvent un faux nom. Surtout, ne faites jamais mention à personne de vos doutes, gardez-les toujours pour vous car vous ne saurez jamais si cela leur sera rapporté. De plus, si vous faites connaître vos doutes, les démons peuvent les avertir que vous êtes au courant de ce qui se passe. Gardez le silence et priez chaque jour pour ces gens-là. La prière seule peut les délivrer, alors que des paroles ne feront finalement que nous blesser. Il y a actuellement, au moins aux États-Unis, un grand débat avec d'un côté les prêtres et les conseillers laïcs qui disent que la pratique satanique rituelle est très répandue, et de l'autre côté un groupe qui dit que ces histoires sont de pures inventions qui ont été mises dans l'esprit de patients hautement suggestibles. Avez-vous des idées sur cette question? Il est certain que les rituels sataniques impliquant des bébés et des enfants sont très fréquents de nos jours. J'examinerai attentivement la possibilité que ceux qui considèrent cela comme une invention aient eux-mêmes quelque chose à y gagner. Pourquoi ne seraient-ils pas eux-mêmes les représentants des personnes mêmes qui accomplissent ces actes? Que gagnent-ils à accuser ceux qui veulent détenir un pouvoir excessif, tout en donnant aux victimes l'impression qu'elles ont perdu la raison? Ces gens-là doivent y gagner quelque chose pour dire ces mensonges et des stupidités de cette sorte. Pourquoi des gens choisiraient-ils de faire mal aux autres et d'acquérir de plus en plus de pouvoir? Au départ, ils ont toujours été eux-mêmes victimes de violence, ils cherchent alors de plus en plus à infliger un châtiment aux autres et à les dominer. On avance lentement et régulièrement sur les voies qui mènent à la sainteté, comme sur celles qui conduisent à l'enfer. Tous les bébés naissent innocents, mais tous ne naissent pas dans la paix et sans avoir subi de violence. Le chemin qui mène à l'enfer peut commencer parfois bien avant la naissance du bébé. Si les parents se disputent, prennent de la drogue, pratiquent les sciences occultes, regardent des films d'horreur, fréquentent les discothèques, ou passent des jours et des nuits à simplement regarder la télévision, l'enfant à naître reçoit dans son subconscient tout ce qu'il regarde, entend ou fait, et il en est profondément affecté. Ce ne sont pas des histoires de grand-mère que les femmes enceintes ne devraient pas regarder des choses laides. À l'époque où on disait cela, il était alors seulement question de tableaux et peut-être de photographies, Imaginez alors ce qui arrive aux petits bébés exposés de nos jours pendant des heures aux spectacles détaillés des films d'horreur. Même sans le savoir, les gens pêchent aujourd'hui horriblement contre leurs enfants et avant même leur naissance. Vous dites que l'enfant absorbe tout de ses deux parents. Également du père? Bien sûr. La mère peut être à la maison avec le petit embryon dans son sein, tandis que le père est à la guerre dans le golfe Persique, et le bébé ressent tout ce qu'il fait. De sorte que la souffrance et la réparation pour cette guerre ont déjà commencé à la maison, à des milliers de kilomètres de distance. Et si le père pêche gravement, par exemple, en ayant des relations en dehors du mariage durant les 9 mois de grossesse, l'enfant pourra facilement porter une blessure subconsciente qui provoquera une résistance contre l'autre sexe et devenir plus tard homosexuel. C'est pourquoi tant d'homosexuels peuvent honnêtement dire qu'ils sont nés ainsi. Leur colère, leur souffrance, leur frustration et leur insatisfaction sont une réparation pour les péchés de leurs parents. Satan rend les gens malades, et les plaies de cette maladie ne peuvent guérir qu'après beaucoup de prières et spécialement avec l'aide de Saint Michel Archange, qui est le plus fort pour repousser les tentations de Satan. Avez-vous déjà eu la visite d'une âme qui avait participé à une messe noire durant sa vie? Ça n'est pas encore arrivé, mais n'allez pas présumer qu'elles sont perdues dans tous les cas. J'ai moi-même connu des gens qui avaient participé à des messes noires, mais qui ont ensuite quitté le groupe et changé totalement leur vie. Et naturellement, ils ne sont pas perdus. Il n'y a donc aucun abîme dont Jésus ne veuille ou ne puisse nous retirer? Exact. Si les gens le veulent, Dieu peut toujours vaincre Satan. Cela revient toujours à notre désir d'être bon et de vouloir faire le bien, et cela jusqu'au dernier moment de notre existence. La miséricorde de Dieu est immense. Maria, les âmes perdues peuvent faire du mal aux personnes vivantes? Oui, elles peuvent attaquer les gens sur la terre et tout spécialement les membres de leur propre famille. Cela se passe souvent aujourd'hui. Certains disent que l'enfer est presque vide parce que l'armée de Satan s'est répandue sur le monde. Je travaille, je prie, je vais souvent en pèlerinage avec un exorciste qui a souvent empêché des âmes perdues d'attaquer leurs descendants. C'est une bonne explication pour les familles criminelles qui existent vraiment aujourd'hui. Un grand-père qui s'est perdu avec toute la haine qu'il a en lui peut facilement pousser son petit-fils dans le même genre de vie. Seul un puissant exorciste peut briser cette chaîne. La prison n'y fera rien et la peine de mort non plus, d'ailleurs celle-ci assurera plutôt la continuité de la chaîne. Quelles sont les pratiques les plus dangereuses auxquelles les gens peuvent participer? La franc-maçonnerie. Elle conduit facilement au divorce et finalement au suicide, mais les autres pratiques y mènent également. Toutefois, l'objectif tout entier de la franc-maçonnerie est de détruire l'Église. Les âmes m'ont dit que le pape Jean-Paul I avait été assassiné par les francs-maçons. Lorsqu'un cardinal qui avait occupé un poste important est mort lui aussi, une femme de Carinthia, spirituellement douée, a voulu prier pour lui. Elle priait et sa prière était bloquée. Elle essayait continuellement mais n'y parvenait pas. Un jour, ce cardinal lui-même lui est apparu et lui a dit plein de colère : « Tu ne peux pas prier pour moi car je suis perdu à cause de ma franc-maçonnerie. Et j'ai des papes sur la conscience. » Puis, cette femme et son directeur spirituel, c'est lui qui est venu ici me le dire, ont rapporté cela au Vatican et aux plus hautes autorités de l'Église. Un de ces personnages haut placés qui avait été au chevet du mourant, témoin de ses cris perçants, il a déclaré qu'il ne voulait pas mourir de cette façon et il est allé se confesser au pape. Vous dites que les francs-maçons ont tué le pape Jean-Paul I, que d'autres papes ou d'autres personnalités au sommet de l'Église ont aussi été assassinés ces derniers temps? Oui. Et vous croyez cette femme de Carinthia et son directeur spirituel? Sans aucun doute. Pouvez-vous me dire, Maria, comment vous réagissez face à Satan la plupart du temps? Lorsqu'il m'ennuie, Et c'est généralement pour de petites choses, je fais simplement ceci. J'étais assise en train de réciter mon chapelet et, pour une raison quelconque, j'ai dû quitter la pièce. J'ai accroché mon chapelet à la chaise, comme ceci, et je suis sortie. Lorsque je suis revenue quelques minutes plus tard, le chapelet était sur la table tout emmêlé comme une boule de nœuds impossible à défaire. J'ai dit à Satan sur un ton sévère, « Espèce d'idiot. Démêle ce chapelet ou je vais t'enlever 10 âmes. » Le chapelet s'est défait devant mes yeux et j'ai continué à prier. Si je remarque qu'une chose arrive où je peux discerner son intervention, je lui commande de partir au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, et il s'en va toujours. Pouvez-vous penser à quelque chose qui pourrait aussi renforcer notre protection contre le mal ces jours-ci? Oui. Au cours des dernières décennies, la prière d'exorcisme a été adoucie et entièrement retirée du rite baptismal. Cela aussi est une grave erreur qui laisse la porte ouverte au mal pour affecter plus facilement l'enfant. C'est encore une chose où les temps modernes ont détourné les prêtres du droit chemin. La prière d'exorcisme doit rester là intégralement pour offrir une pleine protection. Il y a aussi la prière à Saint-Michel Archange, qu'on récitait autrefois à la fin de chaque messe, et qu'il faudrait rétablir. Son absence affaiblit aujourd'hui le peuple de façon dramatique lorsqu'il quitte l'église. Je supplie les prêtres d'être courageux, de faire confiance à Saint-Michel et de ramener cette prière pour une plus grande protection de leurs paroissiens.